il n'y eut que le septième qui fut à sa taille. Elle y resta donc, fit sa prière et s'endormit.